Thank you. Thank you.

mesure de sa chute. Pète sans cesse pour se rassurer. Il se répète sans cesse pour se rassurer. Jusqu'ici, tout va bien. Thank you. Thank you.